souvenir qui pleure comme une larme dans la tête. Une erreur qui aurait comme le goût d'une étrange défaite. Pardonne-moi, pardonne-moi. Un sourire qui s'efface dans ton regard de femme. Une trace comme une déchirure inondée par des larmes. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ferai tout pour que tu me reviennes. Je ferai tout pour effacer ta peine. Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Qu'est-ce que je vais faire de moi? Trop de rires, trop de pleurs pour un amour trop grand. Trop de cris pour savoir qui a tort sans qu'il y ait de gagnant. Pardonne-moi, pardonne-moi. Trop de temps à chercher les mots qu'on ne s'est pas dit. Trop violent tout l'amour qu'on s'est fait dans le vide des nuits. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ferai